piégée dans le cœur me fut donnée par une fleur. Un jour que j'allais la blesser, j'ai cru soudain la voir pleurer. Elle m'a dit: tu veux me cueillir pour trouver un peu de bonheur. Il faut aimer, non pas détruire, il y a trop d'enfants qui pleurent. Des yeux pleins de douceur. J'ai vu pousser dans le désert des champs de blé, des champs de fleurs. J'ai vu des hommes qui s'ennuient, j'en ai vu d'autres qui ont peur.